Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler d'NCAA avec notre ami Wallet du site internet leblitznfl.com. Salut Wallet! Yeah, ça va? Ça va bien, ça va bien. Wallet, on va commencer. J'ai écouté une émission à TSN qui était produite par ESPN, évidemment, où on a démontré les principaux candidats au trophée Heisman. Je veux t'entendre là-dessus. Il y en a quelques-uns. On dit que, premièrement, Jermaine Taylor sera le grand favori à ce début de saison. C'est une année porteur de ballon, en tout cas, pour le Heisman. Oui, effectivement, là, quand on regarde les... Jonathan Taylor, pas Jermaine Taylor, c'est le boxeur, Jonathan Taylor. Oui, quand on regarde les prédictions de pré-saison, en ce moment, il y a deux porteurs de ballon qui sont très hauts sur la liste. Je te dirais que le nom effectivement de Jonathan Taylor, le porteur de ballon de Wisconsin, revient souvent dans les discussions. Puis, il faudrait certainement pas oublier l'excellent porteur de ballon Bryce Love de Stanford. Ouais. Bryce Love qui continue de battre des records que des gars comme Christian McCaffrey qui est maintenant avec les Panthers de la Caroline. C'est un gars solide. Il est classé numéro 1 en ce moment avec Jonathan Taylor au deuxième rang. Donc, ça va être une grosse saison pour les porteurs de ballon. Puis plus loin dans la liste, on voit des gars comme Rodney Anderson avec Oklahoma ou Miles Gaskin avec Washington. J.K. Dobbin avec Ohio State également. Effectivement. Et McKenzie, il y a quelques carrières également, mais sur ça serait quand même difficile. McKenzie Milton, qui est de Central Florida, ça, si je m'abuse bien, c'est la même université que Dalton, Dante Culpepper aussi. De mémoire, je crois que oui. T'as Shea Peterson également de Michigan, qui est une des possibilités également. Donc, mais je pense que, écoute, ça va être un des deux. Hein, puis Jonathan Taylor, on disait que c'était un gars qui battait même des records d'Adrian Peterson, donc au collège actuellement. Là. Effectivement. Dans le fond, le record qui est égalisé, c'est en octobre dernier. Il a atteint la marche des 1000 verges dans une saison en 7 matchs. Un record qui appartient également à Emmitt Smith, Marshall Faulk, puis d'autres grands de la NCAA. Donc, c'est pas peu dire pour une recrue. Même si les porteurs de ballon sont très gros cette année, moi, je pense qu'il ne faudrait quand même pas fermer les yeux sur d'excellents corps arrière. Okay. Je pense à Jake Fromm de Georgia ou Justin Herbert d'Oregon. Dans les prochains jours, je pense que c'est même aujourd'hui ou hier que les premières prédictions sortaient sur le site du Blitz NFL. Ouais. Ma prédiction reste Tua Tagovailoa avec Alabama. Ouais. C'est vraiment... je vais un peu dans le champ gauche, dans le sens qu'il n'est même pas partant en ce moment, mais j'ai l'impression que s'il gagne le poste de partant et qu'il est en poste toute la saison, il devrait connaître une saison formidable et avoir des numéros là, qu'on n'a jamais vus à Alabama dans le passé. On ne l'a pas déclaré comme partant, je sens qu'il a vu ça passer avec Alabama. Alabama, en ce moment, Nick Saban, qui aime garder les médias dans l'ombre, a dit qu'il était pour se partager le travail. Puis, dans le fond, ça fait beaucoup de sens quand on considère qu'Alabama affronte Louisville. Les chances sont qu'Alabama devrait gagner le match, d'après moi, par 3 touchés. Donc, on devrait voir là, les deux corps arrière. Est-ce qu'on est poigné avec un Menzel Pitkin également à Alabama? On ne sait pas encore. On va y aller maintenant avec les matchs de la semaine. On va faire comme on fait avec la NFL. On va commenter l'actualité quelque peu. Et par la suite, on va y aller avec les matchs de la semaine. Et évidemment, l'actualité est pas encore. Il n'y a pas encore beaucoup d'actualité. Donc, c'est pour ça que je demandais les trophées Heisman, les prédictions. Ouais. Mais le match de la semaine, écoute, C'est ça. D'abord, il faut dire au début que les trois premières semaines, c'est des matchs interconférence. Par la suite, les universités vont jouer avec des matchs contre leur division, c'est ça? Ben oui et non. Je te dirais que ça dépend quand l'horaire est fait. Comme ce soir, je te dirais que le match le plus important sur les télés canadiennes va être le match entre Northwestern et Purdue, deux équipes de la Big Ten. Deux équipes qu'on voit comme des cartes cachées un peu dans la Big Ten, deux équipes qui pourraient surprendre. Donc, ça va être intéressant de voir comment que les équipes sont préparées dans la saison morte. Fait intéressant, Northwestern est l'équipe en ce moment du groupe Power 5 qu'on appelle, qui a la plus longue séquence de matchs sans défaite. Donc, un match sur la route pour commencer la saison un jeudi soir. Toujours hyper intéressant. OK. Le match de la semaine, au départ, s'il y en a deux que j'ai calculé, c'est certainement le match entre Auburn et Washington. C'est le gros match de la fin de semaine. Washington, en début d'année, qui sont classés par les experts au sixième rang. Auburn, neuvième. Auburn qui joue dans une division très, très corsée avec le SEC. Ça va être un très, très gros match, là. Oui, effectivement. Puis je te dirais que j'en ai parlé là, dans mes chroniques pré-saison. C'est un gros match pour le college football, mais aussi pour la Pac-12, parce que en ce moment, Auburn est considéré comme la troisième meilleure équipe dans la SEC, derrière Alabama et Georgia, tandis que Washington est vu par beaucoup d'experts comme la grosse équipe à battre dans la Pac-12. Donc, la Pac-12, qui est souvent une conférence qui est laissée de côté lorsqu'il y a bientôt les éliminatoires, puis qu'on considère un peu comme la moins bonne des cinq grosses conférences. S'il fallait que Washington perde ce match-là de façon convaincante par un 10 points et plus, ça l'affecterait certainement l'opinion des gens, puis l'opinion du comité par rapport à Washington, surtout s'ils retournent dans leur ligue, puis qu'après ça, comme on dit en anglais, run the table, gagnent tous leurs matchs, font mal paraître les autres équipes de la conférence. Ça pourrait faire mal à la conférence, puis potentiellement aussi faire mal aux chances de Heisman, de Bryce Love, puis Justin Herbert. Si Bryce Love a une saison extraordinaire avec des numéros incroyables, mais qu'on considère la Pac-12 comme un peu le cousin à problème, peut-être que ça va donner de l'ombre à leur candidature. OK. L'autre match qu'il faut surveiller, c'est Michigan contre Notre Dame. C'est à NBC à 19h30 samedi soir, en plein ce qu'on appelle les heures prime time. Écoute, c'est un gros match. C'est toi qui l'as écrit, je pense, sur le Blitz. Michigan qui joue dans une division très, très corsée dans le Big Ten contre Notre Dame qui, eux, joue dans... Écoute, c'est indépendant. C'est une classe qui s'appelle... une section qui s'appelle indépendant. Notre Dame, écoute, sont classés 12e. Ça, c'est le deuxième gros match à la fin de semaine. Oui, c'est un très gros match. Puis je le mentionne aussi dans mon article, surtout pour les instructeurs. Ouais. Quand on considère que Coach Kelly à Notre Dame, ça fait 9 ans qu'il est en poste, puis qu'en 9 ans, il s'est présenté une fois en finale de la NCAA. Il a gagné aucun championnat national. Ça n'a été jamais vu dans l'histoire de Notre Dame d'avoir un entraîneur en poste aussi longtemps sans aucun championnat. Puis à l'opposé, t'as Coach Harbaugh avec Michigan que ça fait 3 ans qu'on lui laisse des chances, ça fait 3 ans qu'on dit ah ben t'as perdu contre Ohio State, mais on voit une progression. Là, les fans de Michigan sont prêts pour de l'action, sont prêts pour voir l'équipe gagner. Puis je pense qu'il y a beaucoup en jeu dans ce match. Et c'était un match, écoute, c'est une section là, t'as du Big Ten, t'as Ohio State, t'as Penn State, t'as Nebraska, t'as quand même des grosses universités. Donc c'est vraiment une division qui est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile dans cette section-là. Et le troisième match, c'est à ABC dimanche soir. Oui, dimanche soir à ABC, on a la chance d'avoir du football mur à mur, football collégial mur à mur. Mais la NFL n'a pas commencé. Exactement, entre Miami et LSU. Les chances sont que Miami devrait remporter ce match-là. Va être assez intéressant de voir comment que les Tigers de LSU vont performer. Même son clash, je te dirais, un peu pour coach Orgeron avec LSU. C'est comme le monsieur que tout le monde aimait lorsque Les Miles est parti. Tout le monde voulait qu'il soit l'entraîneur-chef. Mais c'est sa troisième année. Puis les résultats tardent à venir. Donc, un gros match pour LSU. S'il pouvait causer la surprise de la fin de semaine en battant Miami, je pense que les fans de Louisiana State University serait très, très content. OK. Wallet, on se reparle la semaine prochaine. On peut lire tes chroniques sur le site de leblitznfl.com. Excellent. Bonne semaine. Voilà. Wallet, du site Internet Le Blitz.